Je fais l'inventaire de vos désirs afin de vous poser la question. Cette question, la voici. Nous avons une faim de loup. Nos quenottes sont incisives. Comment nous y prendrons-nous pour approvisionner la marmite? Nous avons d'abord le code à manger. Ce n'est pas amusant et ça n'apprend rien, mais il le faut. Soit. Nous nous faisons avocats pour devenir président d'une cour d'assises, envoyer les pauvres diables qui valaient mieux que nous avec TF, travaux forcés, sur l'épaule, afin de prouver aux riches qu'ils peuvent dormir tranquillement. Ce n'est pas drôle. Et puis, c'est long. D'abord, 2 années à droguer dans Paris, à regarder, sans y toucher, les nanans dont nous sommes friands. C'est fatigant de désirer toujours, sans jamais se satisfaire. Si vous étiez pâle, et de la nature des mollusques, vous n'auriez rien à craindre. Mais nous avons le sang fiévreux des lions et un appétit à faire 20 sottises par jour. Vous succomberez donc à ce supplice, le plus horrible que nous ayons aperçu dans l'enfer du bon Dieu. Admettons que vous soyez sage, que vous buviez du lait et que vous fassiez des élégies. Il faudra, généreux comme vous l'êtes, commencer, après bien des ennuis et des privations, à rendre un chien enragé pour devenir le substitut de quelques drôles dans un trou de ville où le gouvernement vous jettera 1 000 francs d'appointement comme on jette une soupe à un dogue de boucher. Aboie après les voleurs, plaide pour le riche, fait guillotiner des gens de cœur. Bien obligé. Si vous n'avez pas de protection, vous pourrirez dans votre tribunal de province. Vers 30 ans, vous serez juge, à 1 200 francs par an, si vous n'avez pas encore jeté la robe aux orties. Quand vous aurez atteint la quarantaine, vous épouserez quelques filles de meunier, riches d'environ 6 000 livres de rente. Merci. Ayez des protections, vous serez procureur du roi à 30 ans, avec 1 000 écus d'appointement, et vous épouserez la fille du maire. Si vous faites quelques-unes de ces petites bassesses politiques, comme de lire sur un bulletin « Villèle » au lieu de « Manuel », ça rime, ça met la conscience en repos. Vous serez à 40 ans procureur général et pourrez devenir député. Remarquez, mon cher enfant, que nous aurons fait des accrocs à notre petite conscience, que nous aurons eu 20 ans d'ennui, de misère secrète, et que nos sœurs auront coiffé Sainte Catherine. J'ai l'honneur de vous faire observer de plus qu'il n'y a que 20 procureurs généraux en France, et que vous êtes 20 000 aspirants au grade, parmi lesquels il se rencontre des farceurs qui vendraient leur famille pour monter d'un cran. Si le métier vous dégoûte, voyons autre chose.